Chapitre 59e. Pendant que M. de Senneterre reconduisait sa mère au sortir de chez Herminie, celle-ci était, nous l'avons dit, montée en voiture avec M. de Maillefort afin de se rendre chez Mlle de Beauménil. L'on devine les délicieux épanchements du bossu et de sa jeune protégée, dont le bonheur inespéré était désormais certain. Le marquis connaissait assez Mme de Senneterre pour être assurée qu'elle était incapable de rétracter le consentement solennel donné par elle au mariage de Gérald et d'Herminie. Néanmoins, M. de Maillefort se promit de se rendre le lendemain même chez Mme de Senneterre pour lui déclarer qu'il persistait plus que jamais dans la résolution d'adopter Herminie, qu'il l'aimait plus tendrement encore, si cela se pouvait, depuis qu'il l'avait vue si digne, si touchante, pendant son entretien avec l'altière duchesse de Senneterre. La seule crainte du marquis était que l'orgueilleuse fille refusât les avantages dont il tenait à la doter. Mais, presque sûr d'arriver à son but malgré les scrupules d'Herminie, il dut garder encore auprès d'elle un silence absolu sur cette adoption. M. de Maillefort et la jeune fille étaient depuis quelque temps en voiture lorsqu'un instant arrêtée par un embarras de charrette, elle fut obligée de stationner au coin de la rue de Courcelles où l'envoyait alors la boutique d'un serrurier. Soudain, le bossu, qui s'était avancé à la portière afin de connaître la cause de l'arrêt subi de ses chevaux, fit un brusque mouvement de surprise en disant « Que fait là cet homme ?» À cette exclamation, le regard d'Herminie suivit involontairement la même direction que celui du bossu, et elle ne put retenir un geste de dégoût et d'aversion qui ne fut point remarqué par M. de Maillefort, car au même instant, il baissait vivement le store de la portière près de laquelle il se trouvait. Pouvant ainsi voir sans être vu, en écartant le petit rideau de soie, le marquis parut observer quelque chose ou quelqu'un avec une attention inquiète, pendant qu'Herminie, n'osant pas l'interroger, le regardait avec surprise. Le marquis venait de voir et voyait encore dans la boutique M. de Raville, causant avec le serrurier, homme d'une bonne et honnête figure, à qui le nouvel ami, ou plutôt le nouveau complice, M. de Macreuse, montrait une clé en paraissant lui donner quelques explications, explications que l'artisan comprit parfaitement, car, prenant la clé, il la plaçait entre les branches de son étau lorsque la voiture du marquis continua rapidement sa marche vers le faubourg Saint-Germain. « Mon Dieu, monsieur, qu'avez-vous donc ?» dit Herminie au bossu en le voyant soudain devenu pensif. « C'est que je viens de voir une chose sans doute insignifiante en apparence, ma chère enfant, mais qui pourtant me fait réfléchir. » Un homme était tout à l'heure dans la boutique d'un serrurier et lui montrait une clé. Je n'aurais aucunement remarqué le fait si je ne connaissais l'homme à la clé pour une espèce de misérable capable de tout. Et dans de certaines circonstances, les moindres actions de ces gens-là donnent à penser. L'homme dont vous parlez est de grande taille et d'une figure basse et fausse, n'est-ce pas, monsieur? Vous l'avez donc aussi remarqué? Je n'en avais que trop sujet, monsieur. Comment donc cela, mon enfant? En peu de mots, Herminie raconta au bossu les vaines tentatives de Raville pour se rapprocher d'elle depuis le jour où il l'avait grossièrement interpellée dans la rue, alors que la jeune fille se rendait auprès de Mademoiselle de Beauménil en ce moment presque à l'agonie. Si ce misérable venait souvent errer ainsi autour de votre demeure, ma chère enfant, je m'étonne moins de ce que nous l'ayons rencontré dans une boutique de ce quartier qu'il connaît puisque vous l'habitez. Mais il n'importe, qu'allait-il faire chez ce serrurier? Ajouta le bossu, comme en se parlant à lui-même. Du reste, depuis son rapprochement avec cette ignoble Macreuse, je ne les ai point perdus de vue ni l'un ni l'autre. Un homme à moi les surveille, car ces gens-là ne sont jamais plus dangereux que lorsqu'ils font, comme on dit, les morts. Non pas que je les redoute, moi, mais j'ai craint pour Ernestine. Pour Ernestine? Demanda la duchesse avec autant de surprise que d'inquiétude. Et que pouvait-elle avoir à craindre de pareils gens? Vous ignorez, mon enfant, que ce de Raville était l'âme damnée de l'un des prétendants à la main d'Ernestine, et que ce Macreuse avait aussi d'infâmes visées sur cette riche proie. Comme je les ai démasqués et châtiés tous deux en public, je crains que leur ressentiment ne retombe sur Ernestine, tant leur rage est grande de n'avoir pu faire de la pauvre enfant leur dupe et leur victime. Mais je veille sur elle. Et cette rencontre de Raville chez un serrurier, rencontre dont je ne peux, quant à présent, pénétrer les conséquences, me fera, pour plus de sûreté, redoubler de surveillance. En quoi cette rencontre pourrait-elle donc intéresser Ernestine ? Je ne le sais pas, ma chère enfant. Seulement, je trouve singulier que Derville se donne lui-même la peine d'aller chez un serrurier de ce quartier isolé. Mais laissons cela. Qu'il ne soit pas donné à de tels misérables de flétrir les joies les plus pures, les plus méritées. Ma tâche n'est qu'à moitié remplie. Votre bonheur est à jamais assuré, mon enfant. Puisse ce jour être aussi beau pour Ernestine que pour vous. Nous voici arrivés chez elle. Vous allez la trouver, n'est-ce pas ? Lui raconter tous vos bonheurs, pendant que je monterai chez le baron, à qui j'ai quelques mots à dire, puis j'irai vous rejoindre chez Ernestine. En effet, il me semble avoir entendu parler d'une dernière épreuve. Oui, mon enfant. Elle regarde Monsieur Olivier, sans doute, et s'il s'en sort noblement, vaillamment, comme je le crois, Ernestine n'aura rien à envier à votre félicité. Et à cette épreuve, monsieur, elle a consenti. Sans doute, mon enfant, car il ne s'agit pas seulement d'éprouver encore l'élévation des sentiments d'Olivier, mais de tâcher de détruire les scrupules qu'il pourrait avoir d'épouser Ernestine lorsqu'il apprendra que la petite brodeuse est la plus riche héritière de France. Hélas, monsieur, c'est cela surtout que nous redoutons. Il y a tant de délicatesse chez monsieur Olivier. Aussi, à force de chercher, de m'ingénier, ma chère enfant, j'ai trouvé, je l'espère, le moyen de nous délivrer de ces craintes. Je ne puis maintenant vous en dire davantage, mais bientôt vous saurez tout. À ce moment, les chevaux de monsieur de Maillefort s'arrêtèrent devant la porte de l'hôtel de la Roche-Aiguë. Le valet de pied du marquis ouvrit la porte, et pendant qu'Herminie se rendait auprès de mademoiselle de Beauménil, le bossu monta chez le baron, qui l'attendait et vint à sa rencontre, souriant et montrant ses longues dents de l'air le plus satisfait du monde. Monsieur de la Roche-Aiguë, ayant réfléchi aux offres et aux menaces du marquis, s'était décidé pour les offres séduisantes qui lui permettaient enfin d'enfourcher son dada politique. Il avait promis son concours au mariage d'Olivier Raymond, quoique certaines circonstances de ce mariage lui parussent absolument incompréhensibles, le marquis n'ayant pas jugé à propos d'instruire encore M. de la Roche-Aiguë du double personnage joué par Mademoiselle de Beauménil. « Eh bien, mon cher baron, dit le bossu, tout est-il prêt, ainsi que nous en étions convenus ?»« Tout, mon cher marquis. L'entretien aura lieu ici, dans mon cabinet, et cette portière baissée permettra de tout entendre du petit salon voisin. » Le marquis examina les lieux et revint auprès de M. de la Roche-Aiguë. « Ceci est parfaitement arrangé, mon cher baron, mais dites-moi, avez-vous eu les derniers renseignements qui vous manquaient sur M. Olivier Raymond ?»« Je suis allé ce matin chez son ancien colonel de l'armée d'Afrique. Il est impossible de parler de quelqu'un avec plus d'estime et d'éloge que M. de Berville ne m'a parlé de M. Olivier Raymond. J'en étais sûr. Mais j'ai voulu, mon cher baron, que vous puissiez vous assurer par vous-même et à des sources différentes des excellentes qualités de mon protégé. Il est vrai qu'il ne manque à ce garçon qu'un nom et qu'une fortune, dit le baron en étouffant malgré lui un soupir. Mais enfin, c'est un honnête et digne jeune homme. Et ce que vous savez de lui n'est rien encore auprès de ce que vous apprendrez peut-être tout à l'heure. Comment ? Un nouveau mystère, mon cher marquis ? Un peu de patience et dans une heure vous saurez tout. Ah ça ! J'espère que vous n'avez pas dit un mot de nos projets à votre femme ou à votre sœur. Pouvez-vous me faire une telle question, mon cher marquis ? N'ai-je pas une revanche à prendre contre la baronne et Héléna ? Me jouer à ce point ? Chacune comploter à mon insu un mariage de son côté ? Me faire jouer le rôle le plus ridicule ? Ah, ce sera du moins une consolation pour moi que de les accabler à mon tour. Et surtout pas de faiblesse, baron. Votre femme se vante de pouvoir vous faire changer de volonté à son gré, disant qu'elle vous mène, passez-moi le terme, par le nez. « Bien, bien, nous verrons. Ah, l'on me mène par le nez. Admettons cela pour le passé. Je ne l'admets point du tout, moi, marquis. Mais maintenant que vous voici un homme politique, mon cher baron, une telle faiblesse n'aurait pas d'excuse. Car vous ne vous appartenez plus, et à ce propos, avez-vous revu nos trois meneurs d'élection ? Nous avons eu hier soir une nouvelle conférence. J'ai parlé pendant 2 heures sur l'alliance anglaise. Et le baron se redressa, passa la main gauche sous le revers de son habit et prit sa pose oratoire. J'ai ensuite effleuré la question de l'introduction des bêtes à cornes et j'ai posé en principe la liberté religieuse comme en Belgique, et il faut le dire, les fondés de pouvoir de vos électeurs m'ont paru ravis. Je le crois bien, vous devez vous entendre à merveille, et je leur rends un signalé service, car ils trouveront en vous tout ce qui me manque. Marquis, vous êtes trop modeste. Au contraire, mon cher baron. Ainsi, le contrat d'Olivier et d'Ernestine signé, je me désiste en faveur de ma candidature puisque vous êtes accepté d'avance. Un domestique entrant annonça que M. Olivier Raymond demandait à parler à M. de la Roche-Aigu. « Priez M. Raymond d'attendre un instant, » répondit le baron au domestique qui sortit. « Ah ça, baron, recordons-nous bien. La chose est grave et délicate, » dit le marquis. « N'oubliez aucune de mes recommandations et surtout, ne vous étonnez nullement des réponses de M. Olivier Raymond, si extraordinaires qu'elles vous paraissent. Tout s'éclaircira après votre entrevue avec lui. Il faut que je sois bien résolu à ne m'étonner de quoi que ce soit, marquis, puisque je ne comprends rien moi-même à la façon dont je dois procéder à cette entrevue. Tout s'éclaircira, vous dis-je, et n'oubliez pas les travaux faits par M. Olivier pour le régisseur du château de Beauménil près de Luzarche. Je n'en regarde. C'est par là que j'entre en matière. Et soit dit en passant, je débute par un fameux mensonge, mon cher marquis. Mais aussi, quelle éclatante vérité jaillira, je n'en doute pas, de ce fameux mensonge. Allez, vous n'aurez pas à le regretter, car ce qui va se passer aura peut-être autant d'intérêt pour vous que pour mademoiselle de Beauménil. Je vais la chercher. Et ainsi que nous en sommes convenus, ne faites introduire M. Olivier que lorsque vous nous saurez dans la pièce voisine. C'est entendu. Allez vite, mon cher marquis, et passez par l'escalier de service, ce sera plus court. Et M. Olivier, qui attend dans la bibliothèque, ne vous verra point. Le marquis descendit en effet par l'escalier dérobé sur lequel s'ouvrait aussi une des portes de l'appartement de mademoiselle de Beauménil et entra chez elle. « Ah, monsieur de Maillefort !» s'écria Ernestine, radieuse et les yeux encore remplis de larmes de joie. « Herminie m'a tout dit. Son bonheur, du moins, ne manquera pas au mien. » Si le mien se réalise. Vite, vite, mon enfant, venez, dit le bossu en interrompant la jeune fille. Monsieur Olivier est en haut. Herminie va m'accompagner, n'est-ce pas, monsieur de Maillefort? Elle sera là, près de moi, elle soutiendra mon courage. Votre courage, dit le marquis. Oui, car maintenant, je vous l'avoue, malgré moi, je regrette cette épreuve. N'est-elle pas nécessaire aussi pour détruire les scrupules d'Olivier, ma chère enfant? Songez-y. C'est peut-être le plus grand des obstacles que nous aurons eu à combattre. Hélas, il n'est que trop vrai, dit tristement mademoiselle de Beauménil. Allons, mon enfant, venez, venez. Herminie vous accompagnera. Il faut qu'elle soit une des premières à vous féliciter. Ou à me consoler, reprit Ernestine, ne pouvant surmonter ses craintes. Mais enfin, que mon sort s'accomplisse, ajouta-t-elle résolument. « Monsieur de Maillefort, montons chez mon tuteur. » 5 minutes après, Ernestine, Herminie et Monsieur de Maillefort rentraient dans le salon du baron, seulement séparés par une portière soigneusement fermée, mais que le bossu alla entr'ouvrir pour dire à Monsieur de la Roche-Aigu « Nous sommes là. »« Très bien, » répondit le baron, et il sonna. Le bossu disparut alors en laissant retomber les pans de la portière un instant soulevés. « Priez M. Olivier Raymond d'entrer, » dit le baron à un domestique venu à son appel et qui bientôt annonça « Monsieur Olivier Raymond. » En entendant entrer Olivier dans la pièce voisine, Ernestine pâlit malgré elle et prenant d'une main la main d'Herminie et de l'autre la main de M. de Maillefort, elle leur dit en tressaillant « Oh, je vous en conjure, restez là, près, tout près de moi, je me sens défaillir. Oh mon Dieu, que cet instant est solennel. » « Silence !» dit à voix basse M. de Maillefort. « Olivier parle, écoutons. » Et tous trois, palpitant sous l'empire d'émotions diverses, écoutèrent avec une inexprimable anxiété l'entretien d'Olivier et de M. de la Roche-Aigu.